Chapitre 31e. Le lendemain, il déjeuna seul à l'hôtel avec Madame Water et sa fille. Il aurait préféré que Joy se fît servir dans son appartement. Elle n'y avait pas pensé, et il était trop engourdi pour prêter beaucoup d'attention au décor et à l'entourage. Aucune foule ne pouvait l'empêcher de se sentir loin de la jeune fille, plus loin que le regard de ses jeunes yeux qui ne voyaient pas. Madame Water, dans une robe de quakeresse, avait l'air plus belle et plus jeune que dans sa tenue provocante du Lido. Elle avait même changé de voix, comme elle faisait à chacune de ses phrases. Cette fois, elle parlait d'une voix éteinte, nuancée de mélancolie, mais moins étudiée que la flûte aiguë qu'elle s'était donnée à Venise. En somme, elle avait beaucoup gagné. Boyne dut convenir que l'influence de M. Daubry avait réussi là où toutes les autres avaient échoué. Après le déjeuner, on remonta et Joyce, comme il ne pleuvait plus, proposa à Judith de promener Chip au bois. Elle causerait tranquillement au coin du feu avec Martine. « Tu me renverras l'auto pour 4 heures. Non, pour 3 heures et demie. J'ai promis d'aller avec M. Daubry à cette exposition du livre. » La jeune fille disparut en faisant à Boyne un sourire d'intelligence. « M. Daubry m'a ouvert les yeux, » continua Joyce quand ils furent seuls. Il me montre des merveilles dont je ne me doute pas. Les incunables, par exemple. Croyez-vous que j'ignorais encore leur existence? Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a cru que je plaisantais. Mais vous savez comment on pouvait se cultiver dans la société de mon pauvre mari. Maintenant, je suis devenu bibliophile. Je recherche des éditions originales. J'ai commencé à me faire une vraie bibliothèque. N'est-ce pas que ce sera admirable pour les enfants, spécialement pour Terry? Je rougis de penser que pendant qu'on les promenait en yacht, en train bleu et en Rolls à travers l'Europe, le pauvre Terry a dû se contenter pour tout potage des fadaises que Scopie pouvait lui trouver dans les bibliothèques d'hôtel ou dans les cabinets de lecture de ville d'eau. M. Daubry était horrifié en apprenant que Clive, avec tous ses millions, n'avait pas de bibliothèque. On voit bien qu'il ne le connaissait pas. Elle continua en développant son programme d'avenir. Elle en parlait comme si c'était des plans auxquels rien ne pouvait être changé, et où tout était prévu dans les moindres détails. Elle avait décidé d'acheter une propriété à la campagne, aux environs de Paris ou de Dinard, elle ne savait pas encore, probablement à Dinard à cause de la santé de Terry. C'est un climat très doux et il paraît qu'il y a de bons collèges. Si le bord de la mer est un peu violent pour lui, il doit être facile de trouver une maison quelque part à l'intérieur. Il faut être à proximité de la ville, à cause des éducations, mais pas dans la ville à cause du manque d'air et des mauvaises influences. Dans quelques jours, elle irait voir du côté de Dinard. « Vous savez, continua-t-elle, que j'ai déposé une instance en divorce ?»« Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais dans le milieu où je vivais, on finit par perdre le sens moral. Quant à des preuves, juste ciel, j'en ai déjà plus qu'il ne m'en faut pour faire mes conditions. Des horreurs, je ne vous dis que ça. » Il ne fait pas de doute, c'est M. Daubry qui l'assure, que le tribunal me confiera la garde des enfants et, dorénavant, ils seront ma seule raison de vivre. À mon âge, n'est-ce pas la meilleure solution? Je sais ce que vous allez me dire. Je vois cela dans vos yeux. J'ai l'air plus jeune que je ne suis. Mais, mon cher ami, j'ai des cheveux blancs. Vous ne les aviez pas vus. Tant pis, je ne me teins pas. Ce n'est pas mon genre. Je me laisse tranquillement devenir une vieille dame. Ça m'est complètement égal. Les gens de mon âge ont tant de devoirs et tant d'intérêts dans la vie. J'ai en horreur les femmes qui luttent, qui se teignent pour se rajeunir. Tenez, cette pitoyable cible Ulmer, par exemple. Je sais maintenant, Dieu merci, qu'il y a d'autres objets dans la vie. Et le premier, naturellement, c'est de soustraire mes enfants aux hôtels et aux connaissances d'hôtels, à tous les nouveaux luxes et à tous les palaces. Je compte les minutes qui me séparent du moment où je pourrais leur créer un véritable foyer. Je voudrais leur donner tant de bonheur qu'ils ne songeront plus jamais à s'en aller. N'est-ce pas, cher ami, que vous pensez comme moi ? Elle termina son monologue par une expression de gratitude pour tout le dévouement que Boyne avait témoigné aux enfants. Il lui en coûtait beaucoup de penser que Bun et Beachy seraient probablement obligés de retourner chez leur père. Mais puisque la princesse ne demande qu'à bien faire, ces deux petits, après tout, ne seront peut-être pas trop mal élevés. Buondelmonte n'est plus un tout jeune homme, il a jeté sa gourme. Peut-être qu'il ne demande pas mieux que de faire une fin si sa femme sait s'y prendre. Et il lui laisse de quoi jouer au club. Quant à Zini, Madame Water fit ici un mouvement d'épaule. Je doute que son père ou sa mère consentent à se charger d'elle, une fois mis au pied du mur. Cette petite-là n'est pas commode. Il n'y a que ma fille qui ait le secret de la manier. Enfin, quoi qu'il m'en coûte de renoncer à eux, j'ai trop fait l'expérience de l'ingratitude humaine pour ne pas me dire qu'on pourrait me les enlever à tout moment. Mais mes enfants à moi, non et non, jamais plus. Cela, je vous le garantis. J'ai assez payé pour être instruite. Mes yeux se sont dessillés sur mon étourderie et ma folle imprudence. Et M. Daubry m'a donné sa parole d'honneur. À propos, vous ne restez pas pour voir M. Daubry? Il serait ici d'une minute à l'autre pour m'emmener à cette exposition du livre. Vous vous êtes rencontré à Cortina, n'est-ce pas? J'espère que vous vous reverrez et que vous aurez l'occasion de lier connaissance. Boyne remercia en disant que peut-être, plus tard. Mais il allait quitter Paris. Il n'avait pas le temps d'attendre et il se hâta de sortir en se confondant en excuses. Tout le jour, il erra dans les rues, inconsolable. Il n'avait plus de volonté. Il avait décidé de quitter Paris sur le champ, d'aller chercher à se faire embaucher à New York et puis de partir pour le bout du monde, dans le pays où il trouverait un emploi. Rien ici ne le retenait. Il venait, Rose et lui, d'échanger leurs dernières paroles. Et quant à Judith, qu'avait-il à lui dire encore? Et pourtant, il ne pouvait se faire à l'idée que ce rêve des dernières semaines était fini, que jamais plus il n'entrerait dans la pension de Cortina, accueilli par une joyeuse explosion de bonjour, par un tapage d'enfants qui lui demandaient tous à la fois un jeu ou une histoire, le faisaient juge de leurs disputes, lui faisaient promettre un pique-nique, avec leur grande sœur souriante dans le tumulte ou gazouillant et faisant sa partie dans le concert. Quand il eut réussi à se fatiguer par la marche, il entra dans le bureau de poste et expédia un télégramme à l'adresse de ses patrons de New York pour leur offrir de nouveau ses services. « Libre partir quand vous voudrez. » « Télégraphiez banque. » Cela fait, il appela le numéro du nouveau luxe et demanda à Miss Wetter. La communication se fit attendre pendant des minutes interminables. La femme de chambre répondit d'abord qu'elle ne savait pas où était la jeune fille. Puis, la bonne d'enfant dit qu'elle était ressortie et que ces dames dînaient le soir avec M. Daubry et allaient ensuite au théâtre. Boyne, découragé, allait poser le récepteur quand il saisit enfin la voix de la jeune fille. « Allô, Martin, c'est vous? Où êtes-vous? Où peut-on vous voir ?»« Tout de suite, si vous pouvez. Je pars cette nuit pour Londres. » Elle se récria et lui demanda de lui indiquer un rendez-vous. Il choisit un tea-room aux environs de son hôtel, puisqu'elle devait rentrer se mettre en toilette pour le dîner. Il sauta dans un taxi, retint une table dans un coin solitaire du tea-room. Un moment plus tard, elle arrivait et il alla à sa rencontre. Il était 6 heures passées, le local se vidait. Dans quelques minutes, il serait seul. Légèrement colorée par la hâte de sa course, elle semblait grandie dans sa jaquette sombre bordée de fourrure, un joli sac d'antilope suspendu à une main gantée. La fillette des Dolomites, nue-tête, en chandail de sport et espadrilles, s'était effacée devant une jeune demoiselle correcte qui parut à Boyne une demi-étrangère. « Martin, vous ne partez tout de même pas cette nuit, » dit-elle, sans prendre garde qu'il lui offrait le choix entre des gaufrettes et des éclairs. Il répondit qu'il le fallait. Son absence ne durerait peut-être que quelques jours. Le son de cette voix, le regard de ses yeux avait suffi. Ses plans déjà en déroute et sa voix mal affermie. Vous serez bien de retour à la fin de la semaine. Parce qu'à ce moment-là, les petits seront ici, lui annonça-t-elle. Et consentant maintenant à regarder les plateaux qu'on lui présentait. Oh, les deux, s'il vous plaît. Je crois bien que je prendrai des deux. Alors, vous me dites que les petits... Oui, maman vient d'arranger cela. Monsieur Daubry a rédigé le télégramme. S'il arrive à temps, Nounou pourra partir demain. Monsieur Daubry croit que nous pourrons peut-être garder aussi les baies. Il va écrire à Buen del Monte. Et il ne croit pas que les Ranch tiendront beaucoup à reprendre Zinni, au moins pas à présent. Il sait un tas d'histoires sur Lord Ranch, et il croit que sa femme aura assez à faire avec lui sans s'encombrer de sa fille par-dessus le marché. Elle parlait avec calme, presque avec gaieté, comme si tous ses soucis se fussent dissipés. Quoi ? Se pouvait-il qu'un simple changement de décor, quelques heures passées chez sa mère, l'eussent si complètement rassurée ? Elle qui se faisait si peu d'illusions sur Joyce, Se trompait-elle maintenant sur le sérieux de sa conversion? Avait-elle succombé à la mystérieuse influence qui émanait de M. Daubry? Boyne interrogeait avec étonnement son visage rasséréné. « Monsieur Daubry, il me semble qu'il ne vous revenait guère à Cortina. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous ne jurez plus que par lui. » Elle parut embarrassée et fronça le sourcil en cherchant une raison. « Je n'en sais rien. C'est vrai qu'il a l'air un peu comique et un peu pompeux pour mon goût. Je vous aime mille fois mieux, Martin. Mais il a été très bon pour les petits, et il fait de maman ce qu'il veut. Elle dit qu'il est de première force et qu'il gagne tous ses procès. Voyons, Martin, cela ne serait-il pas merveilleux s'il réussissait à nous garder tous réunis, toute la bande? Il m'a juré de réussir. Dépêchez-vous de revenir de Londres. Vous nous emmènerez en excursion pour la journée, comme si nous étions encore à Cortina. Une excursion à Versailles, par exemple. Mais il faut que ce soit bientôt, car dans quelques jours, maman part avec nous pour Dinard. Oui, poursuivit-elle. Ce monsieur Daubry, en quelques semaines, a trouvé moyen de prendre sur elle plus d'ascendant que personne. J'ai eu avec lui une grande conversation ce matin. Tout ce qu'il fait, il m'a dit que c'est pour les petits, et parce qu'il me veut du bien. C'est un amour, enfin. Nous restons tous en bloc, les grands et les petits. Nous allons former le carré et livrer la bataille pour la victoire finale. Sur le livre à Scopie, fit Boyne avec un sourire contraint. Et on aura un grand château à la campagne, avec des tas de bêtes, des chiens et des chevaux. Et les enfants n'iront plus jamais à l'hôtel. Et on donnera à Thierry ce qu'il y a de mieux en fait de précepteur. Et puis on le mettra dans un collège en Suisse, aussitôt qu'il pourra supporter le régime. C'est l'affaire d'un an, peut-être. Boyne la dévorait du regard. Elle avait l'air tellement capable, si pleine d'expérience. Et pourtant, quel enfantillage que cette nouvelle poussée d'espoir dans l'avenir. Oui. Quiconque promettrait à Judith d'empêcher la séparation serait un dieu pour elle, pour quelque temps, comme lui-même, hélas, l'avait été. Oui, le changement de décor, la fuite de Cortina, la confiance que lui donnait la nouvelle marotte de sa mère, c'était autant de ballons qui la soulevaient dans le bleu. « Alors, ça va pour Versailles ? » reprit-elle. « Ou bien s'il tombe des hallebardes, que pensez-vous du cirque ? Avec un immense thé après. » Un endroit où Chip et nous seraient de la partie. Elle le regarda avec son sourire hésitant. Je me disais aussi que, si ça ne nous faisait rien... Mais non, chérie, fit-elle, n'invitons pas Monsieur Daubry. Ah non, merci, surtout si c'est moi qui l'invite. Il réussit à trouver le rire qu'elle attendait, lui rendit sa plaisanterie, fixa soigneusement avec elle l'heure du rendez-vous. Et tout le temps, plus haut que le bruit de ses paroles, lui chantait aux oreilles quelques vers du cœur des Lémures de Faust que Rose lui lisait un soir à Cortina. La chambre qui l'a rendue si pauvre, si nue. Où sont les sièges, où sont les tables? Tout cela n'était que le prêt d'un jour. Un prêt d'un jour, point de lendemain. Un assez bon titre pour l'histoire de ces deux dernières semaines. Un petit moment, et il l'avait su depuis le commencement. Un épisode, pensa-t-il, ce n'a été qu'un épisode. Une de ces ombres, de ces sirènes, qu'on croit voir monter des vagues dans une mer nocturne. C'est cela. Mais quelquefois ces épisodes durent, tandis que les sentiments qu'on croit éternels passent. Les dieux seuls savent ce qu'il en sera, s'ils le savent. L'addition, mademoiselle. Seigneur, mon enfant, quatre éclairs. Et le dîner d'Aubry en perspective. Ah, enfance trois fois heureuse, comme dit le poète. Tenez, n'oubliez pas votre parapluie. Prenez-moi le bras. Je vous ramène à pied jusqu'à la porte de votre hôtel. Vous avez tant goûté qu'il ne me reste plus de quoi vous offrir un taxi. À la porte de l'hôtel, elle le rappela, toute rose, sous son parapluie mouillé. Jeudi matin, c'est entendu. Vous venez nous prendre à 10 heures pour aller à Versailles. Il se retourna pour lui crier. Sur le livre à Scopie, c'est juré. Et il s'engouffra sous la pluie. Ce jour-là, Boyne sommeillait sur le pont d'un paquebot en route pour l'Amérique du Sud. Le lendemain du soir où il avait quitté la jeune fille, une dépêche était arrivée. Affaire entendue. Prière partir immédiatement pour Rio. Détail à l'arrivée. Il avait eu juste le temps de boucler ses balises, de sauter dans le train de Londres et d'attraper le bateau à Liverpool. une manière énergique de liquider une situation. Il se rappelait le temps où recevoir de pareils ordres lui arrachait des épaules le fardeau des soucis et le poids des complications. Il n'en espérait plus tant à cette heure. Il n'avait plus sa belle élasticité d'autrefois. Et cependant, déjà au bout de 4 jours de mer, il commençait à éprouver un vague bien-être dans le repos de l'heure présente et à la pensée des tâches prochaines. En attendant, des lieux et des lieux d'océan le séparaient des dernières semaines qu'il venait de vivre et les faisaient paraître lointaines et déjà vaporeuses. Il faisait doux. Le navire glissait sans secousse. Le voyageur ferma les yeux et s'endormit. Il faisait une journée très douce à Versailles. Il restait de l'or au hêtre des longues avenues. Il formait d'éclatants tunnels avec des éloignements bleus au bout, où le parc se confondait avec la tache sombre des forêts. Mais le jardin était désert. La saison était trop avancée pour les jeux de cerceaux et de ballons dans les allées, et pour les tricots et les commérages des bonnes sur les bancs, au pied des Apollons et des Dianes de marbre. Tiens, les petits Water et lui, ils ont pour eux tout seuls ces parterres de plaisirs royaux. Les murailles taillées d'ifs et de tuya renvoient l'écho de leurs rires et de leurs cris. Comme ils commencent à être remuants, ces petits. Terricourt et saute aussi bien que les autres. Pour Chip, plus boule que jamais, avec son manteau de fourrure et son bonnet à gland, il vous échappe tout le temps des mains. Au soleil, à l'ombre d'un bosquet protecteur, Mescope et Nounou se sont assises et admirent leurs petits avec des mines radieuses. Suzanne passe son temps à rattraper Chip dans toutes les avenues. Boyne et Judith restent seuls. Ils ont été se promener dans un de ces bosquets solitaires même au cœur de l'été, avec des divinités aux yeux vides dans leurs niches de verdure, des arbres en ruine, des temples bibelots d'où les dieux se sont retirés. Par ce jour de novembre où il y a de la brume partout, de la brume qui traîne en écharpe à travers les troncs des arbres dénudés, de la brume posée en gouttelettes sur la mousse des statues, de la brume qui monte du feutre des feuilles sous les pas, l'endroit a vraiment un air de l'autre monde. On dirait un cimetière paisible des jours défunts. Boyne regarde la jeune fille et lui trouve l'air d'une morte. « Allons, » dit-il en frissonnant, « revenons au soleil. » Ils sortent du bosquet et voilà, dévalant l'allée, tout l'escadron des petits qui se précipitent avec des cris, des rires et des disputes. Boyne rit aussi. Il attrape par sa fourrure ce petit ours de Chip et le lance en l'air comme une balle pour le rattraper à bout de bras. Bun, pour attirer son attention, fait la roue dans ses jambes et les deux petites filles glapissent. Martine, et les cadeaux? Car depuis que la princesse s'est montrée si scandalisée par leur cupidité, c'est devenu une farce de la petite bande de jouer à mendier tout le temps des cadeaux. Bon petit diable, pensa Boyne. Est-ce qu'on peut vivre sans eux? Goûtez, monsieur. C'était le steward qui passait. Thé, sandwich,